Ce père de Caton fit connaissance avec maman chez le marquis d'Entremont. Il entendit parler de nos concerts, il en voulut être, il en fut, et les rendit brillants. Nous fûmes bientôt liés par notre goût commun pour la musique, qui chez l'un et chez l'autre était une passion très vive. Avec cette différence, qu'il était vraiment musicien et que je n'étais qu'un barbouillon. Nous allions, avec Canavas et l'abbé Palais, faire de la musique dans sa chambre, et quelquefois à son orgue les jours de fête. Nous dînions souvent à son petit couvert, car ce qu'il avait encore d'étonnant pour un moine est qu'il était généreux, magnifique et sensuel sans grossièreté. Les jours de nos concerts, il soupait chez maman. Ses soupers étaient très gais, très agréables. On y disait le mot et la chose. On y chantait des duos. J'étais à mon aise. J'avais de l'esprit, des saillies. Le père Caton était charmant. Maman était adorable. L'abbé Palais, avec sa voix de bœuf, était le plastron. Moment si doux de la folâtre jeunesse, qu'il y a de temps que vous êtes parti. Comme je n'aurai plus à parler de ce pauvre père Caton, que j'achève ici en deux mots sa triste histoire. Les autres moines, jaloux, ou plutôt furieux, de lui voir un mérite, une élégance de mœurs qui n'avait rien de la crapule monastique, le prirent en haine, parce qu'il n'était pas aussi haïssable qu'eux. Les chefs se liguèrent contre lui et ameutèrent les moignons, envieux de sa place, et qui n'osaient auparavant le regarder. On lui fit 1000 affronts, on le destitua, on lui ôta sa chambre, qu'il avait meublée avec goût, quoique avec simplicité. On le relégua je ne sais où. Enfin, ces misérables l'accablèrent de tant d'outrages que son âme, honnête et fière, avec justice, n'y put résister. Et après avoir fait les délices des sociétés les plus aimables, il mourut de douleur sur un vil grabat, dans quelque fond de cellule ou de cachot, regretté, pleuré de tous les honnêtes gens dont il fut connu, et qui n'y ont trouvé d'autre défaut que d'être moine.